au fond près du radiateur sans suspension. Radioactif comme le nucléaire. On poule fonction. Chaque soir, chaque semaine, à chaque son. À chaque son. Tu veux mon nom ? Au fond près du radiateur. J'ai des sujets mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. J'ai des projets mais ils font tout pour les aborder. J'ai des messages mais pas ceux qu'ils aiment véhiculer. Ok mon man, tous les mardis. On a des blagues mais c'est pas celles qui les font marrer. Everything I do gonna be funky. Au fond très radiateur.fr. C'est aux gens qui luttent de faire l'info. Mais grain de gueule au fond près du radiateur. Quelle question tu veux que je te pose? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Step on and set control. De retour au fond près du radiateur. Tous les mardis 19h à 20h30 sur FPP 106.3 FM. Le vendredi matin, la rediff de 7h à 8h30. Et toujours faire attention aux flics, aux faf. Voilà, ben on va faire une petite pause musicale et puis on reviendra une fois de plus en essayant de faire notre propre info. 106.3 FM, poto. James, ANFALSH, au fond près du radiateur. FPP 106.3. Bonsoir à tous, vous êtes au fond près du radiateur, votre émission du mardi soir de 19h à 20h30 sur la radio Fréquence Paris Pluriel. On va commencer l'émission, ce soir on est avec Iman. Salut. On a également Yano et Thomas à la technique et Alexis est là ce soir. Et bonsoir. On va commencer l'émission ce soir avec un appel de Nora. Nora est gréviste au Parc Hayat Vendôme, un palace parisien. Des femmes de chambre en sous-traitance sont en grève depuis plus de 3 mois et le conflit s'est plutôt bien terminé. On va la voir dans une dizaine de minutes pour la première partie. Ensuite, ce sera un petit peu mon coup de gueule de la semaine. On va parler des femmes. On va parler aussi de la justice qui ne fait pas trop preuve de justesse par rapport à tous les cas, notamment les bavures policières, que ce soit les plaintes à l'IGPN ou par exemple Benalla aussi qui circule librement au Tchad avec un passeport diplomatique, on ne comprend pas trop. Et voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Très bien. Et en troisième partie, nous aurons Yano qui a un enregistrement justement qui concerne une action des Gilets jaunes. Voilà, ça va être la troisième partie. On va s'écouter une bonne musique après cette introduction et on aura l'appel de Nora du Parc Hayat Vendôme. Radiateur 106.3 FM avec Nora en ligne. Tu nous entends ? Oui, bonsoir Robinson. Bonsoir, salut Nora. On est très content de t'avoir pour la troisième fois dans l'émission. On t'avait eu deux fois concernant la grève au parc Aya de Vendôme parce que tu étais gréviste, donc femme de chambre dans la sous-traitance au parc Aya de Vendôme. Oui. Et une grève avait commencé, si je ne me trompe pas, c'était fin septembre, début octobre ? 25 septembre, c'est ça. 25 septembre, oui. Et un long combat de 3 mois et on a appris il y a quoi, une semaine, 10 jours, la fin de la grève avec des négociations et trois points quand même assez importants que vous avez pu obtenir. Alors voilà, est-ce que tu peux nous en reparler, resituer tout ça ? Oui, alors on a quand même essayé de conclure un accord, hein, c'est-à-dire l'intégration, on ne l'a pas obtenu, mais on a obtenu quand même l'alignement avec la convention, parce que nous on est des sous-traitants du nettoyage et on a pu obtenir l'alignement à la convention collective de l'hôtellerie, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont aujourd'hui les salariés de l'hôtel, eh ben dans leur convention à eux, ben, s'appliquera obligatoirement aussi à nous les sous-traitants. Et dans cet accord, il y a aussi une représentation syndicale, vu que maintenant avec les ordonnances Macron qui nous a retiré le droit de se présenter aux élections professionnelles au sein du oui. donneur. Tu peux nous dire exactement voilà dans la convention collective du parc Aya de Vendôme, qu'est-ce que vous avez eu en plus par rapport, donc j'imagine en salaire, peut-être en 13e mois, peut-être en prime, peut-être en CE, qu'est-ce que vous avez obtenu à ce niveau-là? Oui, alors ce qu'on a obtenu, les points, on les a pas étudiés encore parce que bon, bah c'est un gros bouquin les conventions collectives, mais on sait que quand même il y a pas mal de points intéressants par rapport à par exemple les points de retraite ou les points de formation, des choses comme ça. Après, moi, je connais pas tous les détails, c'est vraiment à étudier, mais tout ce que en tout cas s'applique à l'hôtel s'appliquera aussi aux sous-traitants aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est clairement voilà, ça a été acté, signé donc avec la CGT, c'est ça ? Ben pour l'instant, ce n'est pas encore on n'a pas signé encore d'accord, ça a été juste en négociation devant l'inspection du travail qui nous a donné un relevé de conclusion, mais l'avocat du Hayat et notre avocat sont en train de conclure c'est-à-dire juridiquement tous les termes de l'accord et normalement prochainement nous signerons nous les délégués syndicaux celui de l'hôtel et moi-même d'accord, mais l'accord. C'est une bonne nouvelle. Heureusement que ça a été fait, oui, avec représentants syndicaux, avocats, inspection du travail, oui. Parce que hein, on les connaît. Ils n'ont pas trop de, je sais pas comment dire, mais de, ils essayent toujours de trouver des failles, etc. Justement dans la négociation. Oui, mais il faut que tout soit bien cadré parce que vous savez, un accord maintenant, c'est pas notre premier accord, mais il suffit, voilà, qu'on oublie un petit terme. Comme je m'en souviens en 2015 par rapport à la mutuelle, et ben en fait on a demandé 70% de prise en charge de la mutuelle. Mais pour nous c'était 70% avec les options. Et comme ça n'a pas été notifié dans l'accord le mot option, et ben le patron a sauté sur l'occasion et nous a juste donné 70% sur la base. Et on n'a pas pu l'obliger de nous payer 70% aussi de l'option. Voilà, c'est des détails comme ça qu'il faut faire très, très attention. Mais ouais. Par rapport à la représentation syndicale, c'est un peu plus compliqué. Maintenant qu'on passe du CE au DP, au CHSCT, à d'autres instances, une instance qui s'appelle Comité social et économique, hein, parce que maintenant tout va être ensemble. Donc tout ça doit être vraiment bien encadré avec des avocats, hein, parce que nous, on sera pas capable de gérer ça en détail. Ok, bah, très bien. Et ça me fait penser au Royal Monceau, où aussi il y avait eu justement une augmentation de salaire, mais ils avaient oublié de bien marquer que cette augmentation serait la même pour les nouveaux entrants. Du coup, ils ont toutes ces petites subtilités. Voilà, tous les nouveaux entrants, au final, sont restés au salaire d'avant. Du coup, oui. Voilà, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, oui. Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent, coup, hein, on donne des conseils. Oui, il faut faire très attention parce que de toute façon, dans chaque accord, quand il n'y avait pas d'avocat, voilà, il y avait toujours des représentants syndicaux, mais aussi, hein, il suffit d'un mot, hein, on est toujours pressé, et puis c'est toujours en fin de journée, et puis on a envie d'en finir avec le conflit, donc du coup, on est super content de négocier, et il y a pas mal de détails qui nous échappent malheureusement. Mais là, je pense que voilà, on prend tout le temps, parce que ça fait quand même depuis le 21 que les avocats ouais. sont en train de... Et le deuxième point, Nora, et le troisième alors ? Voilà, alors le deuxième point, c'est qu'il y aura en fait, lors des élections, donc il y aura quand même une création de représentants de proximité pour la sous-traitance, c'est-à-dire le CSE du Hayat Vendôme, les élus du CSE vont désigner des représentants de proximité de la sous-traitance dont j'en fais partie. Par exemple, moi et mes collègues aujourd'hui qui sont encore élus de l'époque, eh ben eux, ils vont pouvoir nous désigner. Voilà, autant que représentants. Notre mission sera exactement comme la mission du CHSCT ou les délégués du personnel, de parler des conditions de travail, remonter toutes les réclamations. Et Nora, des salariés. Pour expliquer à nos auditeurs, c'est que dans la nouvelle deuxième loi travail qu'il y a eu, de toute façon, il n'y a pas de représentation, de la sous-traitance. Et pour vous, c'est vraiment un point important. Pour avoir un poids justement dans les négociations chaque année, chaque trimestre. Exactement, c'est un poids très très important pour nous parce que de toute manière, depuis qu'on a commencé notre section en 2013, tout a changé pour nous. On était vraiment très mal payés, maltraités et on avait le droit quasiment à rien. Et aujourd'hui, on vient de très loin, on a pas mal d'accords. Je l'ai sorti dernièrement pour l'avocat. Cet accord, donc aujourd'hui, on est mieux payé que les salariés de l'hôtel. On a quand même pas mal d'avantages. Par exemple, le titre de transport à 100%, la mutuelle à 70%. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une journée d'habillage et déshabillage. Ça fait 2 jours par an. On a une journée de congé payé en plus. C'est-à-dire, on a quand même pas mal... travailler depuis 2013, tout ça c'était fait avec les délégués. Non, mais c'est très bien, mais ça c'était en 2013, hein, ces points-là, où c'était... 2013-2014, d'accord, puis oui. 2013-2015-2017, lors d'une négociation, oui. Donc on a eu pas mal de choses, même nos salaires aujourd'hui, il est vraiment considérable. La preuve, c'est que quand on est descendu dans la rue, on est descendu pour garder nos acquis et pas les perdre. C'est-à-dire, nous, les sous-traitants, on n'a pas demandé d'augmentation de salaire cette fois-ci. On a demandé d'être intégré pour pouvoir justement être toujours élu et se défendre et être là. Pas perdre tout ce qu'on a eu, en fait. C'était ça le but de l'intégration. Très bien. Et justement, comme vous vous alignez donc, à la convention collective, est-ce que c'est un alignement aussi des salaires ? Alignement de salaire, non. Parce que la convention collective ne parle pas forcément de salaire. Là, par contre, les salariés de l'hôtel, eux, qui sont sortis avec nous, qui étaient 9 personnes, eux, ils ont demandé l'augmentation de salaire pour tout l'hôtel, pour tous les salariés de l'hôtel. Ils ont demandé 3 euros de l'heure, qui n'ont pas forcément obtenu 3 euros de l'heure, mais ils ont obtenu l'alignement avec, l'hôtel Hayat Regency Porte Maillot aujourd'hui, qui sont connus à être les mieux payés du groupe Hayat. Donc, ça a été accordé. Normalement, très bien, demain, ouais. Demain, il y aura cette fameuse négociation. Et normalement, ils s'aligneront à cet hôtel qui a quand même une section syndicale qui existe depuis 25 ans. Et c'est pour ça que... Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah oui, ils sont très, très, très contents, bien entendu. Les salariés sont un petit peu méfiants. Pour préciser, Nora, c'est... Peut-être que les auditeurs, c'est pas 3 euros payés à l'heure. Hein, ils ont demandé 3 euros bruts, c'est ça, d'augmentation en plus. On a demandé par heure. Mais ils ont eu combien, au final ? Alors là, il y aura une grille de salaire. C'est la grille de salaire du Hayat Étoile Regency qui est quand même pas mal. Elle est plus intéressante que le parquet de Vendôme. Et Hayat s'engage à aligner les salaires du parquet de Vendôme à cet hôtel qui est vraiment l'hôtel du Hayat, du groupe Hayat, qui est le mieux payé aujourd'hui. Et cet hôtel-là, pourquoi il est le mieux payé? Parce qu'il faut le souligner, ils ont une section syndicale qui existe depuis 25 ans. Et ça a toujours été en fait un rêve pour les salariés du parc Hayat d'être payés comme cet hôtel-là de Porte-Maillot, Hayat Regency. Et c'est pour rappeler aux éditeurs, c'est l'ancien Concorde Lafayette à Porte-Maillot, la tour Exactement. Immense qu'on voit de très loin. Exactement. Qui est devenu, qui est passé, il me semble que c'est les murs ou le fonds de commerce est passé aussi, c'est le Qatar qui a racheté ça, comme d'habitude, enfin voilà, comme souvent. Et donc voilà, c'était le Concorde Lafayette, et c'est peut-être pour ça, hein, c'était sûrement le salaire du Concorde Lafayette, j'imagine. Oui, oui, ils ont repris avec les salaires, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une section syndicale, la CGT, là-bas, c'est depuis 25 ans que ça existe, donc il y a eu des mouvements de grève, il y a eu pas mal d'NAO, ils sont vraiment des combattants, et c'est pour ça qu'ils ont ils ont quand même pas mal d'avantages aussi, hein, sociaux, hein, ils ont pas que c'est bien de le rappeler. Et en dernier point, le troisième point que vous avez gagné, je me souviens plus qu'est-ce que... On aura, vous avez eu voilà l'alignement, vous avez eu la représentation, et dans le tract CGT, j'ai vu un autre point. Oui, on a eu aussi, maintenant le statut des salariés de la sous-traitance, notre statut aujourd'hui, on avait auparavant un statut, c'est-à-dire plus des accords. Aujourd'hui, on a demandé à qui contractualise nos accords dans nos avenants de contrat. C'est-à-dire, tout va être dans nos contrats. Même si un sous-traitant qui change ou que on change de société, on n'a plus à encore se battre pour demander à garder nos acquis. Tout sera dans notre contrat de travail. Et donc, c'est une énorme victoire pour nous, parce que du coup, on avait toujours peur de perdre nos accords, qu'ils les dénoncent, qu'on perde tous nos acquis. Ben non, aujourd'hui, ça sera dans notre contrat de travail. L'employeur ne pourra plus jamais les dénoncer. Et ce qui est aussi génial, c'est que les gens qui travailleront, qui seront des nouveaux embauchés chez nous, les sous-traitants au parc Hayat, du housekeeping, ils vont bénéficier du même statut que nous depuis 2013. C'est-à-dire tout ce qu'on a obtenu comme avantage s'appliquera à des nouveaux salariés. Mais c'est une victoire monstrueuse. Ils ont été 9 et ils ont réussi à... Pour tous les salariés, ils sont combien là? Ils sont quoi? 300, 350 en fixe? Alors, les salariés de l'hôtel sont 210 à 220, je pense. Et nous, on est environ dans les 75-80 personnes. Voilà. Et on était en grève en tout. On a commencé par à peu près une soixantaine de personnes. Et quand on a terminé notre grève, jusqu'aux 87 jours de grève, on était toujours, on a diminué un petit peu. Bien sûr, il y a des gens qui ont craqué. Mais on est resté quand même assez nombreux. 41 personnes. Donc, c'était magnifique. 41, et puis on était prêts d'être là encore à Noël, le réveillon, l'année prochaine. On n'allait pas lâcher, et puis Hayat a bien compris qu'on était vraiment déterminés. Et c'est vrai, c'était long. C'est une expérience unique, hein, parce que je pense qu'on pourra plus jamais vivre une telle lutte. Mais c'était difficile, mais c'était quand même magnifique, parce que ça créait des liens en nous. Et puis on a vu à quel point on était fort. Parce que tenir 3 mois, franchement, il y a eu des hauts, des bas. On avait le moment convivial parce que tous les jours, on mangeait. Alors, il y avait une table, il y avait du riz, il y avait des assiettes qui partaient partout. Et on a créé des liens entre nous. On est devenus vraiment une vraie famille. Et il y a une vraie confiance qui s'est installée. Et puis maintenant, on est rentré la tête haute avec une force incroyable. C'est juste magnifique ce qui se passe. C'est super, Noura. Et ça se termine bien parce que 3 mois, il faut le rappeler, hein, que quand on fait grève, on n'est pas payé. Hein. C'est, y a aucun salaire, hein. C'est comme un congé sans solde. Hein. Il faut le rappeler parce que des personnes pensent qu'on est toujours payé quand on est en grève. Mais on a eu quand même, il faut que je le signale, on a eu quand même un soutien de la part du syndicat. On a eu aussi un pot commun en ligne. On a eu beaucoup de soutien. Vous savez, on a eu à peu près, si je ne me trompe pas, 25 000 euros. 25 000 euros, vous vous rendez compte? Plus on a eu à peu près, on a eu à peu près en tout dans 30 000 euros de soutien. C'est énorme. Non, vous avez eu même si on a été énorme, mais il y a eu aussi le syndicat HTE qui nous a quand même financé pendant 2 mois la moitié de nos salaires. Donc on avait quand même 1 000 euros par mois. Donc c'est une très bonne chose. Royal Monceau, malheureusement, ça avait duré que 5 semaines. Hein. Mais bizarrement, non, il y avait eu que 100 euros hein, d'aide de la part de d'autres sections syndicales, McDonald's, CGT, enfin, etc. Et c'est très bien pour vous qu'il y ait eu autant, et puis aussi là, grâce à la caisse de grève qu'il y avait dans la rue, hein, sur le trottoir devant l'hôtel. Oui, exactement. Hein. Les gens, ils étaient très généreux avec nous. On a eu énormément. En fait, la caisse, la boîte qu'on avait tous les jours nous permettait de financer en fait le repas du midi. On était à peu près 60, donc on variait. Un jour c'était du riz, des sandwichs. On a fait du couscous, on a fait des anniversaires, des pizzas. En tout cas, tous les jours il fallait qu'on mange un bon repas. Parce qu'il fallait que les gens tiennent, il fallait qu'il y avait cette musique, en fait cette ambiance festive entre nous. C'était vraiment. Et puis c'est pas n'importe où, c'était à Saint-Gru-de-la-Paix, c'est à quelques mètres de la place Vendôme. Et c'était magnifique. Oui, pour rappeler, on aime bien rappeler ça quand même. 5 places Vendôme, qu'est-ce qu'on a? On a le Ritz, on a tous les plus gros avocats d'affaires du monde, de France. Le quartier, on a toutes les grandes boîtes, on avait, et puis et en plus ils se sont plaints parce que en fait toutes ces boutiques là, il faut dire que c'est un comité qui se sont plaints et ils ont porté plainte contre nous. On a été au tribunal, on avait gagné. En fait, ils disaient que ils étaient absolument pour rien, ce bruit ils en peuvent plus. Il faut absolument qu'on arrête le bruit. On a été au tribunal et puis je remercie aussi ce juge que je connais pas son nom, mais je le remercie parce que il a dit que c'était pas dans son champ de compétences et qu'il avait rien à, en fait, il pouvait pas nous attaquer comme voisinage parce qu'on était sur la voie publique. Donc du coup, on a continué. Dès le lendemain, on est arrivé encore plus en force avec nos tambours, avec nos mégaphones, et puis on a dit on est là jusqu'à Noël. Il pleut, il neige, on est là, on lâche rien. Et puis c'était agréable, c'était une victoire énorme. Et Ayat a bien compris. Et puis ils se sont dit bon là, on n'a pas le choix. On a tenu 3 mois, mais là ils vont pas lâcher. À Noël ils seront là, l'année prochaine ils seront là. Bon là on n'a pas d'autres choix que de lâcher, et du coup ils ont lâché, voilà. C'est excellent, parce que voilà, il faut rappeler aux gens que ça commence tout petit avec une petite section syndicale à 2 personnes dans une entreprise hein, de plus de 11 Exactement. salariés. On peut faire une section syndicale, il me semble. Exactement. Et après, si les revendications sont légitimes, et là, surtout dans un palace. Et moi, j'ai envie de dire juste aux salariés dans les boîtes, ceux qui travaillent, qui triment, qui ont des salaires très bas et qui font un travail vraiment pénible et difficile, vous savez, d'accord, il faut sortir dans la rue, il faut, oui, mais c'est dans les boîtes qu'il faut faire grève. Dans les boîtes, si toutes les boîtes, si tous les salariés disent stop, parce que le patron gagne énormément. Regardez-nous, en 2013, on était payé moins 5 euros de l'heure de nos salaires. Moi, personnellement, mon salaire a augmenté de 700 euros depuis 2013, voire 800 euros. Donc tout ça, ça a été comment? En lutte. En lutte, on est sorti en 2013, en 2014, maintenant en 2018 également. C'est-à-dire, si les salariés se mettent tous ensemble, rapport de force, vous descendez, vous bloquez, vous dites on n'est pas content, ils vont être obligés de vous écouter. Ils vont être obligés de négocier pour vous. Mais les gens, bah, ils vont travailler, mais ils veulent changer les choses, mais ils ont peur. Mais peur de quoi? Vous avez le droit de faire grève. C'est un droit. C'est un droit et donc j'estime que les travailleurs aujourd'hui doivent manifester au sein de leur boîte. Doit bouger parce que le patron. Mais c'est bien de le rappeler, Nora. Il a énormément d'argent, il peut les payer. C'est ça. Ça me fait penser dans l'aviation aussi. C'est des milieux assez classe moyenne, assez confortables. Ils sont tous syndiqués et il y a eu des combats quand même assez durs. Et puis tous les ans, on le voit dans certaines compagnies. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à 2000 euros, 2002, 2004, 2005. Ça monte. Et voilà. Et puis l'entreprise, elle fonctionne. Ouais. Et à la fin, moi, je tenais à dire que juste entre les deux, absolument, hein, c'est vrai, mais on en avait parlé déjà à une émission précédente où il y avait aussi tout ce rapport à la solidarité ou dans le sens où en fait déjà aller vers ce genre d'obstacles, c'est dur d'y aller tout seul. Et on en avait parlé lors d'une émission précédente où la communauté, c'était quelque chose de compliqué à trouver. Et une fois que c'est lancé, il y a des gestes comme vous l'avez fait en tout cas. Et pour ça, bravo, parce que c'était un grand mouvement humain avant tout. Tout seul, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit, mais bravo. Ah non, tout seul, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est clair. Non. Bah écoute, merci Nora. C'était vraiment un plaisir. On aura l'occasion de d'autres conflits ou parce que tu es dans la section. Oui, c'est ça, CGT HPE. Pas pour l'instant. Ah, pardon. Non, mais voilà. Il faut le rappeler, c'est une lutte qui reste marquée et qu'il faut quand même maintenir, tenir. Il y a toujours une balance c'est ce qu'on appelle le capital, l'entreprise et nous, les petites mains. Bien sûr. Et merci à toi. On transmettra. Merci, Nora. Un podcast sur l'émission demain que tu pourras également partager. D'accord. Et encore bravo. Merci. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée à toi. À bientôt. Soirée, Nora. Merci. Ciao. We'll be right back. Bonsoir, vous êtes toujours en direct sur l'émission Au fond près du radiateur Chips 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. Alors, moi c'est Imane et je sais que j'ai l'habitude de dire que l'amour sauvera le monde, mais aujourd'hui je suis un peu une chronique. Slogan. Ouais, grave. Mais là c'est plus une chronique un peu vénère, c'est un peu mon coup de gueule de la semaine. Ouais, on a eu les fêtes de Noël, on a eu le Nouvel An, c'était cool, mais c'est quand même passé des petits trucs dans le monde et ça c'est moins cool. Du coup, les copains, vous allez peut-être réagir à ce que je vais vous dire. Mm-hmm. Premier coup de gueule, on va un peu parler des femmes. Ouais, alors, tous les jours, on entend, oui, les femmes, battez-vous pour vos droits, blablabla. Mais les femmes, gna. Enfin bref, ils nous cassent un peu les couilles. Il y a trois jours, j'ai allumé ma télé et tout, et là, je vois un mec... Tu regardes la télé ? Ouais, je regarde rarement la télé, mais là, j'étais en famille, et ouais, j'étais en famille, et je sais pas pourquoi on allume la télé. Ouais, super. Faut savoir que chez moi, je ne regarde que Arte, ou je lis des livres, mais je ne regarde pas ça, la télé. Ça, je savais, mais voilà. Par contre que la j'ai télé... J'ai allumé la télé, ouais, j'étais en famille et tout, et là... Yes. On est assis comme ça et déjà je vois une pour commencer je vois une petite pub. Donc la pub elle nous sort voilà, écoutez, avant je faisais 130 kilos. Depuis que j'ai perdu je sais pas combien de kilos, j'ai réussi à trouver un taf et j'ai trouvé l'amour. Donc je me dis en fait ça veut dire quoi, que t'es une femme ronde, tu peux pas trouver de taf, tu peux pas avoir de mec parce que t'es une femme ronde, enfin c'est quoi le problème en fait, c'est quoi cette discrimination? Et ça passe tranquillement sur TF, vous savez la suite. Ah, une heure, machin. Donc je me dis, ok, il y a un truc qui va pas dans cette société, mais bon, après on nous dit, femme, assumez-vous, machin, mais quand tu mets dans la tête d'un gamin ou de quoi ? Il y a combien de personnes qui regardent la télé tous les soirs ? Voilà, des millions. Ouais, des millions. Tu vois, tu rentres déjà ça dans les cases, ok. Je me dis, bon, ça passe. Après, je tombe sur un mec qui est comme ça, tranquillement, qui dit très ouvertement qu'en gros, bah, les femmes de plus de 50 ans sont dégueulasses, qu'il ne peut pas s'intéresser à ce genre de femme-là, mais genre sur le plateau, tu vois. Et ça choque personne. Connaît le nom. Voilà. Connaît le nom. Et ensuite, pour se justifier, il dira, mais vous savez, moi, je ne sors qu'avec des Asiatiques parce que je trouve que le genre asiatique, donc le genre asiatique, c'est un genre, je ne savais pas, est suffisamment riche, large et infini pour que je n'en ai pas honte. On donc, en fait, le ça nom. Veut dire que si t'es une femme blanche, une femme noire, une femme arabe ou enfin peu importe d'où tu viens, t'es pas juste une femme. Déjà, t'es une couleur ou t'es une origine, de un. Et de deux, il faut avoir honte de ce que t'es. Faut avoir honte, ouais. Clairement, faut avoir honte de clairement ce qu'il a fait. Tu vois et, ouais. ce mec, le pire, c'est qu'il passe sur des chaînes connues, nationales, tu vois. Et je me suis posé la question, mais comment ça se fait que des mecs comme ça puissent encore être autorisés à aller sur les plateaux télé à des heures où tout le monde est techniquement devant, mm-hmm. tu vois, à pouvoir dire des conneries comme ça, et en fait, tout le monde ferme sa gueule et tout le monde lui suce la... Pourquoi ? C'est vraiment, c'est une question que je me pose. Crème, et ça passe crème en plus, tu vois. Ouais. Et donc c'est après. Ah, on parle d'une grande gueule refoulée, en voilà. fait, une grande gueule aussi rejetée. Après, ce mec-là, ça devrait pas nous choquer parce qu'il passe avec un certain mec qui commence par un T. Bah ouais, ouais. Ce mec-là a l'habitude d'avoir des invités, Éric Zemmour, qui dit des propos assez violents et on lui dit jamais ferme ta gueule, on lui non, dit non, mais vas-y, c'est continue, après, bien sûr, ça c'est sur le principe d'émission, donc, c'est vrai que le personnage ouais. est comme ça. Après, faut pas oublier que Yann Moi a aussi fait des films basés sur le sexe très. La plupart d'entre vous connaissent merci. Le film Podium, ouais. c'est un film de Yann Moi. Ouais. J'ai appris ça il y a pas si longtemps. Et t'es là, genre, ça. Mais. Et oui, non, mais après, c'est un personnage, on le connaît bien. Voilà. Donc après, je sais pas si c'est un but de faire un espèce là, de bad buzz ou juste, je sais pas. Non, s'il veut faire une polémique. Peut-être qu'il a voulu faire polémique, tu vois, mais je trouve ça vraiment dégueulasse. Parce qu'au final, en fait, c'est égoïste et t'as pas à. C'est triste de penser comme ça, tu vois. Et le pire, tu vois, c'est que tout à l'heure, je partage sur les réseaux sociaux une image d'une femme, en fait, qui a la cinquantaine. Et qui explique qu'en fait, jusqu'à ses 50 ans, elle ne se connaissait pas. En fait, elle ne se connaissait pas. Elle savait, elle avait toujours fait un taf, elle est plutôt mignonne, mais elle savait pas ce qu'elle aimait, elle était pas totalement assumée, etc. Et qu'à 50 ans, elle a pris un tournant de sa vie, et là, elle s'est positionnée en tant que femme, et elle a jamais été autant rayonnante. La meuf, elle a écrit 50 000 bouquins, elle a créé des assos, elle a fait des trucs de ouf, tu vois. Et je partage sa photo, et il y a quand même un mec qui a commenté oh putain, mais quelle vieille dégueulasse. Quoi ? Ouais, mais Yann Moi a raison quand il dit que les meufs de 50 ans sont dégueulasses. Mais en fait, pourquoi ? On peut m'expliquer là, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai hésité à lui c'est péter la gueule. Tuteur, moi, j'ai un mot, la stupidité. La stupidité, peut-être, ouais, c'est totalement... Tu dis que l'amour sauvera le monde, moi, je pense que la stupidité... Elle est... Niquera le monde, peut-être. Ouais. Elle entrave la route, en donc, tout voilà. cas. Donc voilà, ça, c'est mon premier coup de gueule. Deuxième ouais. coup de gueule... C'est pas normal. Voilà, donc toujours, il y a 3 jours, devant ma télé, ou il y a 2 jours, je vois sur les grands titres, Flash Info, oh mon Dieu, un boxeur, péter la gueule à un mec, attention, c'est intolérable, il faut l'arrêter, tout ce que vous voulez... je regarde un peu la scène, et en fait, je regarde la scène sur BFM Mytho. C'est une petite scène où on voit un mec qui met effectivement une patate à un gars. Réexplique le. Tu vois, sauf qu'en gros, c'était samedi, on voit un mec mettre une patate à un mec. Sauf que dans le contexte, en fait, il y a tout un groupe de militants qui sont sur un pont et ils se font un peu lyncher, gazer salement et péter la gueule par des keufs. Vous avez forcément vu les images. Voilà. Non, parce qu'il y en a qui auront vu que les petites images toutes courtes. Ah, mais faut la version longue, voilà. Là, faut les histoires, faut l'image par seconde. Là, voilà, faut... et voilà. Ouais. Et donc voilà, mais comme c'est un gilet jaune, forcément, bah, on se dit attention, c'est un gilet jaune, il a tapé sur un keuf, il a mal agi, il mérite d'aller en prison. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on dit de la petite réforme qui avait été prise par Castaner, je crois, il y a 3 semaines, où en gros, il disait que si tous les keufs commettaient des bavures, on allait faire en sorte qu'ils ne prennent rien dans la gueule. Où est la justice à ce moment-là ? Tous les mecs qui se sont fait... Autant on a vu des keufs qui étaient quand même, qui essayaient d'être réglo, qui étaient là vraiment pour protéger, pas faire la justice. Mais tous les cow-boys qu'on a vus qui tirent des flashballs dans à hauteur de visage, bien on sûr. En parle. Tous les mecs qui se sont fait mutiler le visage, on en parle. La meuf qui est morte, je crois que c'est à Bordeaux, je sais plus où. Est-ce que c'est avéré Ouais, non, elle est morte parce qu'au final, on avait dit que ouais, c'était une grenade oui. ou je sais plus quoi qui avait pété. À Marseille. Ouais, à Marseille. Et c'est ce qui l'avait tué. Mais ça, on s'en bat les couilles, tu vois. Il y a eu des dizaines. Moi-même, j'ai reçu un flashball dans la cuisse. Ouais, d'ouf. Heureusement. Mais ouais, heureusement que c'était le tu vois. Mais si tu le prends de près. Enfin, nous, à un moment, je prenais une photo, il y a un flashball qui a atterri littéralement à 1 mètre de mon visage. Donc, ça, c'est par extrêmement... contre, c'est pas grave. Et ouais. ça, tu vois, ça, c'est pas grave. Et si moi, demain, je me prends un putain de flashball dans la gueule ou que je me fais matraquer et qu'après, je réagis en poussant quelqu'un, attention, c'est pas de la légitime défense. C'est très grave, madame, vous devez aller en prison. Mais si ce connard me tire dessus ou machin, on s'en bat les couilles. Ouais, bien sûr. Ça, bien j'ai sûr. Pas compris. Et c'est là que je me pose la question de la justice. En fait, que fait la justice ? Est-ce qu'elle est. Je sais pas. Peut-être qu'elle manque de justesse, j'en sais rien, mais. Voilà. C'est. Ouais, je sais pas. C'est spécial. Et puis, du coup, ça m'a aussi fait. Je me suis aussi posé pas mal de questions. Je me suis dit, mais. Putain, un mec a mis 3 patates, il s'est quand même rendu, il a expliqué son geste, il s'en excuse, même si franchement, mec, t'as quand même. Je dirais pas que je te soutiens, mais voilà. Il s'est défendu, comme il dit. Voilà, voilà. Il s'est défendu. Mais voilà, le mec se rend quand même de lui-même, enfin, il n'y a aucune pression. Et on casse les couilles, on nous rabat que c'est un délinquant, tout ce que tu veux. Mais du coup, je vais revenir sur des histoires qui datent d'un peu plus longtemps, mais le mec qui a violé Théo, on en dit quoi ? On en dit quoi ? Rien. Entre le mec qui a été muté dans le sud, l'autre qui Enfin, même pas, en fait, il a même pas intercepté son fruit, il a juste été muté. Entre la mort d'Adama, qui n'a jamais été expliquée, où on a techniquement les réponses, mais il n'y a pas de suite. On en dit quoi ? Quand le procureur a voulu falsifier des documents, on en dit quoi ? Entre toutes les personnes qui sont fait... On a vu une meuf se faire démonter la gueule en manif, mais vraiment, c'était très violent. Cette meuf-là, je pense qu'elle n'ira jamais porter plainte, tu vois. Genre, vraiment, elle ne... On en dit quoi ? C'est toujours le même... on parle des médias. On ne parle pas des médias indépendants, non. Etc. Non, ouais. On parle des médias mainstream qui sont aux 9 milliardaires, etc. Voilà. Machin. Et ce qu'il y a derrière d'intéressant, c'est qu'ils cherchent absolument à trouver à identifier le mouvement avec une, deux, trois têtes pour pouvoir diminuer le soutien de la population, ouais. Voilà, en pourcentage par rapport aux Gilets jaunes. Et voilà, ils ont eu Éric Drouet, ils avaient l'autre, la vieille femme de 50-60 ans avec les cheveux couper gris. La tête du serpent, alors que le serpent n'a pas de tête. Oui, et là, il y a lui, et ils cherchent ça, ouais. Parce qu'ils savent que les gens, ils ont besoin d'une identification, d'un truc, tu vois. Ouais. Et puis, pas de bol, il s'appelle Alexandre ou Christophe en Christophe, plus. Christophe, ouais. Voilà, bref. Mais malheureusement, ça tient toujours, ils ont peur, et ça va continuer. Ouais, ça c'est cool, mais tu vois, moi j'aimerais bien, vraiment, parce que là, c'est l'accès justice qui m'a cassé. Qui m'a vraiment heurté, tu vois. Et franchement, il y a tout. Bah, vous savez, moi, je viens du Tchad. Il y a pas longtemps, quand j'apprends que Benalla va au Tchad avec un passeport diplomatique, je me dis, mais mec, je comprends pas. T'es pas censé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toi, t'as censé être jugé il y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi je comprends pas pourquoi. Enfin, quel est le but, toi, de ta présence là ? Et pourquoi ce passeport-là, tu vois ? Genre. Bah, c'est un pote d'eux, voilà. Bah ouais, c'est mais tout. Bon, c'est un pote. Bah voilà, mais tout. Bon, après, tu vois, venez pas nous reprocher quand secret, un mec hein. se défend, qui machin, vous allez lui casser les couilles, mais tu vois. Enfin, c'est comme. Je vais reparler d'histoires plus anciennes, mais Fillon, l'argent, tu l'as rendu ? Nikos, Sarkozy. Non, Sarkozy qui est venu prendre l'apéro avec les keufs pendant une demi-journée, qui s'est cassé juste après, qui est jamais. Enfin, tu vois, il n'y a pas de suivi derrière, mais dès que ça. Ça me fait penser à. Ça me fait penser au Japon, où eux, ils ont une exigence par rapport à l'élite. Ouais. Notamment la fiscalité, etc. Ouf. Mais très élevée, ouais. Parce qu'ils savent que si ceux d'en haut, ils s'amusent, si on sait qu'ils fraudent et qu'il y a un petit truc, ceux d'en bas, du coup, vont trouver ça complètement... ça va les décrédibiliser, ça va illégitimer le fait de payer des impôts. Et du coup, les gens vont beaucoup moins participer et frauder à gauche, à droite, etc. Et il y a ça au Japon. Ouais. C'est qui est au Japon, là ? Depuis... c'est Carlos Ghosn, voilà, okay. de Renault. Et en France, oui, on n'a pas ouais, ça. Ouais. Et c'est pour ça, il n'y a aucune crédibilité, il n'y a rien. Ils gagnent 6 000, 7 000, 14 000 euros par mois. Et on en revient toujours à la revendication, vous disiez, mais on veut de la transparence sur les salaires. Et on invite tout le monde à se renseigner. Ouais. C'est vrai qu'il ne faut pas. Toujours remonter l'info. Toujours. Ouais. On peut parler de toujours. Médias ouais, justement un peu indépendants. Qui, bon, évidemment, Facebook est quand même un beau lien, un beau pont pour pouvoir avoir des infos là-dessus. N'hésitez pas, il y a plein de pages. Le Média, il y a quoi ? Le Média, il y a Le Quotidien, Le 1, bon, Le Monde Diplomatique, bon, ça peut aller. Il faut, voilà, il faut pas regarder comme Iman, TF1. Ah non. Il faut savoir que je ne regarde jamais la télé. Là, tu vas et avoir du coup, des je regarde le truc et je me dis, oh là là. Mais qu'est-ce que c'est un tissu de conneries, tu vois ? Et c'est là que je t'en rends compte et je me dis, mais en fait, enfin, je sais pas, les gars, sortez de là, sortez de ce cas, de tout ce qu'on vous bourre le crâne, tu sais, de la primaire jusqu'à je sais pas quel âge, en fait, jusqu'à la quarantaine, la cinquantaine, soixantaine. En plus, arrêtez le pire, c'est qu'on a l'image. Tu vois, c'est nous, ça. Nous, si à la radio, on est bien. C'est... Ouais, mais voilà. Je me dis, en fait, je comprends pas. Genre, les gars, faites vos recherches par vous-même au lieu de rester. Exactement, on peut que vous encourager rester, à faire qui ça. Plus, qui est bloqué, au lieu de rester bloqué là-dessus, tu vois. Ouais. Mais il y avait un mec qui disait, alors j'ai vu ça il y a pas longtemps, mais c'est un mec, mon idée, elle est un peu extrémiste, mais disait, ce serait cool que tous les mecs qui sortent des grandes écoles ou les mecs qui veulent devenir politiciens, et ben en fait, pendant un an, ils vont vivre avec un salaire. Limite un SMIC, tu vois. Ils vont pas habiter dans un putain de palais où on vit avec un SMIC. Ils vont essayer de se mettre à la place des gens. Et puis après, comme ça, quand ils sont politiciens, ils pourront peut-être proposer des idées qui penseront pas qu'à leur gueule et qui penseront aussi un peu au peuple, tu vois. On va y arriver, on va y arriver. C'est un peu extrémiste quand même, mais l'idée, tu vois. Ouais, comme une JAPD un peu. Voilà, une JAPD, ouais, c'est ça. Un peu plus free, ouais. Voilà. Plus free, ouais. Sur peut-être 6 mois, tu vois, t'es là tranquillou. Un petit Erasmus, voilà, au calme. Voilà, ça, c'est pas mal. Et ça va se faire quelques semaines, et ça risque de. Ça va se construire, hein. Ça va se construire. Ouais, et le dernier point intéressant aussi qui m'avait aussi frappé avant de passer à une pause musicale, le dernier point qui m'avait vraiment frappé, c'est que oui, la mobilisation baisse, il n'y a plus de gilets jaunes dans les rues. Bah en même temps, non, en fait. Moi, je pense pas que ça baisse et je pense que ça va continuer. Que voilà, les gens vont revenir de plus belle et les gens vont continuer jusqu'à faire valoir leurs droits. Et voilà. Voilà. Oui, oui, les revendications sont là, elles sont affirmées, elles sont imposées. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même une préfecture qui a été brûlée. Il y a un mois. et ça continue. Et de plus en plus de gens se mobilisent, à part la classe moyenne que je côtoie parfois, qui est complètement à l'ouest là-dessus et qui regarde même pas, enfin qui se renseigne pas. Et enfin voilà, on en a déjà parlé, on en reparlera. En tout cas, si vous êtes l'un des gilets jaunes, si vous êtes un gilet jaune, si vous allez manifester, faites attention à vous. Restez avec vos amis. Sortez pas les gants de boxe, ça finit au parquet. Ouais, surtout. soyez discrets les gars, mais prenez soin de vous tous. Bravo. Soyez responsables, remontez vos infos. Et puis Yano, si t'as envie d'ajouter quelque chose, une belle musique. On va passer une petite pause musicale avec un petit son voilà, de Cassez-moi Palais. Voilà, ça sera très bien. Qui est totalement dans le mouvement. A tout à l'heure. Fréquence Pipe. Ouais. Yo, c'est pour le gouffre. Cassez-moi Palais qui est dans la place. Écoute ça, mec. Yo. Je rêvais d'une meuf mieux roulée que mon pète. Mais je crois que j'ai mis la bœuf avant le rhum charrette. Faut que j'arrête la bringue et les barrettes. Les plans pas nets. Et puisque la vie est une pute, je veux être son proc, c'est net. C'est proc, c'est net. Y'a pas plus proc, c'est mec. Et tant pis si le proc s'énerve en bas des bâtiments. On sait tous que ça recommence. Et les émeutes, on s'attend à ce que ça recommence. C'est pour les darons, les barons, les mecs derrière les barreaux, les fourgueurs de barrettes, les barjoux. Je veux voir toutes les mains en l'air comme dans un braco. C'est cassé mon micro pour tous ceux qu'on les crocs. Les accros, niveau bête, je roule plus vite qu'un merco. Si tu joues les macros, je descendrai plus vite que macro. C'est pas du deep pitch ici, ça vient des Tessis. J'ai passé plus de deep pitch ici. Si tu te la joues trop, t'es mal barré. C'est moi le baron, j'te fume comme une Marlboro. J'te mets le barreau, la trique électrique et le track. Comme ma clique, mets des claques, même les flics font des flaques. J'ai pas de poil au cul, j'ai la police aux fesses. Mais va dire au larzu qu'on les baisse dans ma tête. J'ai du bon matos, et si tu veux me tester, j'envoie les bastos. Il faut qu'on les baisse tous, y'a des sacrifices de pute. Donc j'opte pour un sacrifice de pute. Et quand ces fils de porc enfoncent les portes en face d'un père dont le fils déconne, efface tes peurs, faut que tu cognes, enfonce tes poignes au fond de tes poches et pense aux proches. Ces fils de putain se te passent les pinces et l'espoir s'éteint, c'est ainsi qu'on te saute ensuite la prison t'assassine. Attention si tu cèdes, il te saigne, tu sais ça, car ici tout se sait. T'es si seul, perdu sans boussole entre tes soucis, ton sous-sol était censé avancer, mais vers quelle étincelle. Si tu t'en sors, c'est que t'es dans le digne quand t'atteins le ciel. Donc en être digne est essentiel. C'est pour nos potes au ciel qu'avait du potentiel, mais qui n'étaient pas des saints. Et c'est pour eux qu'on est des anciens. On ose en causer, en posant. J'impose ma prose et elle cause des dégâts. Mais la vie n'est pas rose, donc karatéga. Notre son va de sabbat comme un karatéka. Nous, on s'en bat les couilles, donc on s'en bat les couilles. Même coincé par les keufs, on donne pas nos seufs. J'suis enragé comme un beatmaker. Pareil que t'es beatmaker, mais le moindre de tes beatmakers. Yo. Toujours au top, jamais je ne stoppe. Préviens pas les stupes ou je te fume comme une clope. Toujours au top, jamais je ne stoppe. Préviens pas les stupes ou je te fume comme une clope. Quand tu sors du quartier, le lardu te pompe l'air. Tu sors tes paplards du larduit. Tous les deux mètres on te fouille les poches. Un gros pot écorche ton prénom, cherche l'embrouille. Fouille, tu patrouilles pour 6 feuilles par mois. Permets-moi de te dire que même pour 6 poutres, je ferai jamais ce métier que t'es gardien de la paix. Plutôt que de me la garder, bah, il ferait tellement mieux de me la foutre. Je me dresse face à une justice qui manque de justesse. Comme se dresse sans pénis devant une paire de fesses. La police manque de politesse. On ne contrôle 15 fois dans la même journée. Je vois pas en quoi ça pourrait faire baisser le taux de criminalité. Surtout que l'enfoiré nous connaît. Et c'est très bien que nous ne sommes ni des gros bonnets, ni des clandestins. Moi j'en ai marre de me dire que c'est le destin. Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et www.rfpp.net partout dans le monde. On est dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, de 19 à 20h30. Ce soir, je vais vous faire une chronique sur la rencontre malencontreuse d'un Fenwick avec la porte d'un ministère. Ça s'est passé dans Paris le samedi 5 janvier dernier et c'est... C'est l'histoire d'un engin de chantier qui est venu défoncer la porte d'un ministère où se trouvait le porte-parole du gouvernement, plus connu sous le nom de Benjamin Griveaux, l'amoureux des petites phrases et des provocations qu'on a souvent entendues dans la presse récemment et qui a dû s'enfuir par une arrière-cour pour fuir les gens belliqueux derrière cet engin de chantier. On va ce soir en connaître un peu plus sur la vie, sur le parcours et les ambitions de ce Benjamin Griveaux et de son microcosme, ses amis qui gravitent autour de lui. On va s'écouter encore un peu de musique avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout de suite citer la source de cette chronique, je vous annonce que je l'ai trouvée donc sur les réseaux sociaux, qu'elle n'est pas signée, mais que tous les faits sont évidemment vérifiables par tous les moyens et qu'ils sont vrais et précis. Voilà, ce sera aussi à vous de juger puisqu'elle n'est pas signée et ses propos ne sont pas de moi, mais je les ai trouvés très intéressants et c'est pour ça que je veux vous en faire part ce soir. Benjamin Griveaux, lorsqu'il était conseiller ministériel, touchait plus de 10 000 euros par mois au cabinet de la socialiste Marisol Touraine pour du conseil politique. Cela ne suffisait pas. Il partit vendre son influence à Unibail pour 17 000 euros par mois. Sa mission, s'assurer que personne au ministère des Finances ne propose d'abolir une niche fiscale favorable à l'entreprise. Ses moyens, les réseaux que l'État lui avait confiés. Nous étions en 2014. Entre-temps, il octroyait à son ami Attal Gabriel, 23 ans, aucune expérience professionnelle ni diplôme du supérieur au compteur, un salaire de 6 000 euros par mois dans le même cabinet, où il le chargeait de recruter des chargés de mission et parlementaires socialistes qui serviraient à faire en sous-main la campagne de Macron. Attal était théoriquement rémunéré pour servir l'État, par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Il avait pour cela voiture de fonction, secrétaire et chef cuisinier à disposition. Il mettrait ses moyens au service de son ambition. Au même moment, le cabinet Macron explosait les limites imposées par François Hollande en termes de conseiller. Il n'en comptait pas moins de 6 en communication. Stéphane Séjourné, compagnon de Gabriel Attal, à qui il avait été présenté par Benjamin Griveaux, avant que ce dernier ne le fasse recruter chez Macron, et Ismaël Emélien, ancien d'Havas, dont la femme y travaillait et qui attribuerait des contrats sans appel d'offres à la multinationale pour des montants supérieurs à 300 000 euros sur les fonds de communication du ministère, y organisait des événements pléthoriques avec les moyens de l'État pour préparer la campagne d'Emmanuel Macron, séduisait les parlementaires, bref, préparer eux aussi, au détriment du bien commun, l'ascension de leur chef. Gabriel Attal, 29 ans, est devenu député, porte-parole du parti, puis ministre, grâce au soutien de Stéphane Séjourné, qui dirigeait effectivement le comité d'investiture d'En Marche et s'occupait des nominations du groupe LREM à l'Assemblée. Séjourné, qui a masqué sa relation et les renvois d'ascenseurs qu'il mettait en place avec Attal sous le prétexte commode de l'impossible outing, alors qu'ils étaient paxés, a été nommé à l'Élysée comme conseiller politique, tandis qu'Ismaël Emélien, qui a recruté Ludovic Checker, lui-même en charge du recrutement d'Alexandre Benalla, en charge de la mise en place d'une garde prétorienne que les menus excès de ce dernier ont fait tomber, était nommé conseiller spécial, toujours rémunéré aux frais de l'État. Griveaux est lui devenu ministre et porte-parole du gouvernement avant de faire exploser ses dépenses en cabinet. Tous ont trahi leur famille politique d'origine, mais aussi leurs fonctions et cet État qui les a rémunérés, propulsés aux plus hautes responsabilités. Alors faut-il vraiment se montrer surpris que le système qui les a propulsés se remette en place maintenant qu'ils sont au pouvoir, qu'ils octroient des salaires délirants à leurs propres conseillers après s'être eux-mêmes servis ? Faut-il s'étonner que Attal et Griveaux, aux poches bien remplies, soient devenus respectivement le plus jeune ministre de la Ve République, de la Ve République et croit-il le futur maire de Paris, le tout sans avoir rien démontré ni fait de leur vie, en faisant appel au service de Mimi Marchand via un certain Ramzi Kiroun, dirigeant de facto de la Gardère Active et donc patron de facto de Paris Match, pour leur pipolisation. Faut-il s'étonner qu'il l'ait fait après que leur boss Emmanuel Macron ait recruté la papesse du people sur recommandation de Xavier Niel, son ami, qui avait lui-même rencontré et utilisé Mimi Marchand alors qu'ils sortaient tous deux de prison et qui depuis sert et dessert ses amis et ennemis, effaçant les informations qui pourraient les gêner, propulsant les politiques qui pourraient l'aider. Ce même Xavier Niel, dont la fortune dépend de la régulation de l'État, qui en lui retirant des licences pourrait le réduire à néant comme il l'a rendu milliardaire. Ce même Xavier Niel, qui a investi dans tous les médias parisiens non détenus par les oligarques jusqu'alors, de Mediapart à Le Monde, en passant par l'Obs, pour qu'on ne le fasse pas chier et pour, avec l'aide de son homme de main Louis Dreyfus, s'assurer que les bons journalistes seraient recrutés et virés. Ce même Xavier Niel, qui en janvier 2014, lors d'un déjeuner, m'annonçait l'élection de Macron. Macron, qui n'était alors que secrétaire général adjoint de l'Élysée, que personne ne connaissait et qui ferait bientôt les couvertures de tous les médias de Niel, comme il le ferait de tous ceux de la Gardère. Faut-il s'étonner de la série d'articles publiés au cœur de l'été par Paris Match qui dressait la géographie d'Attal avant sa nomination au gouvernement ? Que Bruno Jeudy, valet de tous les pouvoirs, ait ainsi répondu aux commandes de Kiroun et Marchand ? Que Lagardère, qui fut client de Macron chez Rothschild avant de devenir son ami, là aussi propriétaire de Paris Match, l'ait autorisé ? Tous ces gens remettent en place à leur échelle le système créé par leur aîné qui consiste à piller les poches de l'État après avoir prétendu se mettre à son service. Rappelons que Macron cumulait les millions à Rothschild à peine 30 ans en y vendant réseau et connaissances de l'ENA, l'IGF et la commission Attali. Réseau et connaissances censés lui avoir été attribués pour servir l'État et non pas se servir soi. Tous ces gens, par l'élection, pensent avoir été sanctifiés et par la complaisance que le petit Paris, qui est au courant de toutes ces manœuvres, les voit et les couvre en direct, leur a octroyé, légitime pour à leur tour créer les réseaux d'affidés. Voilà comme se constituent en France les miracles que la presse va bêtement relayer. Voilà comment l'on se retrouve dirigé par des gommeux sans talent, exploitant et pillant les ressources d'État au service de leurs intérêts. Voilà comment un pays s'effondre dans la médiocrité, spectateur des mouvements des grands, finançant leurs ascensions et subissant leurs coups et petits maux lorsqu'ils ont besoin de se défouler. Il ne nous reste plus qu'à, ébahis par leur maîtrise, les féliciter. Ces êtres ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et on va tout de suite s'écouter un petit morceau de musique qu'on va dire adéquate à nos propos qui précèdent. Ce sera à la Défense ou au jardin de l'Élysée. On décidera samedi matin. On fera bien ce qu'on voudra, où on voudra, comme on voudra, sans vous prévenir, sans rien vous dire. Et ce sera votre cauchemar. Est-ce qu'on aura des gilets jaunes ou des âmes par destination, ou même les deux. Allez savoir, on fera bien ce qu'on voudra, où on voudra, comme on voudra, sans vous prévenir, sans rien vous dire, et ce sera votre cauchemar. Est-ce qu'on sera 100 ou 100 000? Quelle importance tous ces calculs. De toute façon, vous avez peur. On fera bien ce qu'on voudra, où on voudra, comme on voudra, sans rien vous dire, sans vous prévenir, et ce sera votre cauchemar. Est-ce qu'on ira brûler la banque, ou voir un film au cinéma, ou faire le siège des médias? On fera bien ce qu'on voudra, où on voudra, comme on voudra, sans vous prévenir, sans rien vous dire, et ce sera votre cauchemar. Ouais, vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30, on est dans l'émission Au fond près du radiateur. Voilà, c'était un petit morceau de La Vie Manifeste, dédicace aux copains qui m'ont envoyé ça. Et je suis désolé, on n'en a pas passé plus parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème technique et j'ai réussi à récupérer que cette chanson. Mais en tout cas, on leur fait plein de bisous et on se revoira bientôt dans la rue. Voilà, bah, je te passe la parole, Alexis, quand tu veux. Yes, merci Johan, c'était super. Waouh, quel bel article, quelle belle chanson. Chanson qui a été enregistrée dans la rue pendant les manifestations. Le contexte, on s'y croirait, quoi. On est dedans, là. On est dans la manif. Et c'était super. Non, un grand bravo à toi. En tout cas, bonsoir tout le monde. Vous êtes toujours sur la 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel. Du coup, si vous écoutez assez souvent la radio, vous devez connaître ma chronique Au fond près du jukebox maintenant, hein, je l'espère. Donc, c'est un plaisir de vous y retrouver tous les mardis. De 19h à 20h30, entre les deux, je suis toujours là, soit à la technique, soit avec vous pour ma chronique. Et du coup, bah, bienvenue. Alors avant toute chose, c'était pour vous souhaiter une très belle année 2019, parce que nous sommes la première émission de cette année. Beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont bouger. Cette radio se met un petit coup de jeune en ce moment. Et du coup, c'est un petit peu pour ça qu'il n'y a pas de chronique particulière aujourd'hui. Juste le fait de vous dire un petit peu ce qui va se passer cette année. Cette année, du coup, toujours plus de chroniques. On va essayer de faire plus de reportages. Également, on va essayer d'avoir beaucoup plus d'artistes musicaux pour nous faire de la musique en live. Parce que la musique live, c'est authentique, c'est pur. Et ça fait vivre la musique de tellement plus de façons. En tout cas pour vous, comme pour nous. L'authenticité est quelque chose de très important pour cette chronique. Et voilà. En parlant d'authenticité, du coup, je vais faire un petit retour pour l'émission qui va se dérouler le 29 janvier. Nous allons avoir une émission spéciale au fond près du jukebox d'une heure et demie avec nos bons copains de Source Phonique qui nous viennent tout droit de Reims. Si vous êtes et moi, vous n'êtes pas sans les connaître. Ils font vivre Reims, ils font des événements autour du vinyle. Ce sont des gars qui sont basés sur la culture vinyle, sur la musique, sur l'originalité. Ils font vivre cette ville par leurs concerts, leurs événements en tout genre, cartonnerie. Il y a la cartonnerie, il y a le lieu, il y a le pop-up, il y a énormément d'endroits où vous pouvez les retrouver. En tout cas, je vous invite à aller les suivre sur SoundCloud et Facebook. Source Phonique, voilà, c'est leur nom. Une association qui a maintenant 5 à 7 ans, dépendant de leur période d'activité. Du coup, association qui devient maintenant un label. Et ouais, ils voient les choses en grand, les gars. Et ils ont raison, parce qu'ils ont énormément de goût. Et Reims est une vraie petite pépite quand on se peine à creuser un petit peu cette ville. Voilà. Moi, j'aime associer Reims un petit peu à Berlin, façon français. Voilà. Donc, émission spéciale consacrée à eux. Un vrai plaisir de les avoir. Retrouvez-nous le 29 janvier. Ça sera de 19h à 20h30 spécial. On fera du direct, on passera de la musique, on sera avec vous. Vous pourrez réagir en direct, que vous soyez rémois ou parisien, parce que, n'oublions pas, Paris n'est pas la France. Donc voilà, ça sera un plaisir de les avoir. Donc, avant de vous laisser et de vous souhaiter une bonne année 2019, je voudrais vous faire passer un son de Sans Carole. Sans Carole, qui est un groupe de rock que j'ai découvert en direct pendant un concert à l'Olympique Café. Sans Carole, qui m'a mis une belle claque. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement, que j'entends assez rarement. Donc voilà, je vous invite à écouter Sans Carole et je vous laisse là-dessus. C'est Sans Carole, Fremont Records. FM, c'était un plaisir de vous avoir ce soir. Tu veux rien dire? C'était un vrai plaisir de vous avoir ce soir. On vous retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure, de 19h à 20h30. Petit mot de la fin, Robinson, Alexis. Merci à tous de nous écouter. Il faut faire tourner par vos contacts, vos poteaux, cartes postales, tout ce que vous voulez. Vos compères, vos oncles, vos tantes, tout le monde. Facebook au fond près du radiateur, la page. Et le podcast sera mis demain sur justement la page de Facebook au fond près du radiateur. Sur la rediffusion de samedi matin. Voilà. Et l'amour sauvera le monde. Bisous, bisous. Bisous, 106.3. We'll be right back.